Dossier 1. Leçon 1. La journée de Juliette. Activité 11. 1. Bon, c'est l'heure. Au revoir. Salut Juliette. Ciao. Bonne soirée. Deux. Bonjour monsieur, ça va? Ça va, et vous? Ça va, bonne journée. Trois. Salut, tu vas bien? Oui, et toi? Ça va. Quatre. Hé, hey, Juliette! Salut, vous allez bien? Ça va. Viens à notre table. D'accord. Bon appétit. 5. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. À demain. 6. Bonjour, monsieur. Bonjour, mademoiselle Laurent. Comment allez-vous? Bien, merci. Et vous? Très bien,